Se tal pete de la ocase fina. Vini ti mwen ka ki rive wina. Wop de chine san ka koule. Vini ti mwen o la o teye. Yo vetilina y pa pwen konsey. Yo vetilina y pa pwen konsey. Yo vetilina y pa pwen konsey. Conseil au bar, mais ou pas point, Lina. À présent, de la casse, Lina. Ou à péchire sans ta couler. Vini, dis-moi, oh la, yo, Betty Lina, il pas point conseil. Yo, Betty Lina, il pas point conseil. Yo, Betty Lina, y pa' buen consejo.